Vous écoutez l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bonsoir, je me nomme Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de partager avec vous, comme toujours, une heure de diversité musicale surprenante pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h. À l'émission cette semaine, nous entendrons entre autres Saint-Vincent de Blot, Jérôme Minière, Les Incendiaires et plusieurs autres. Et en fait, aujourd'hui à l'émission, il y aura quelques nouveautés, dont la première pièce qu'on va entendre, comme je le mentionnais, qui est une pièce de Saint-Vincent. Il s'agit d'une auteure-compositrice-interprète américaine au son assez particulier. Et la pièce qu'on va entendre se nomme The Party et ça vient de son nouvel album qui s'appelle Actor, qui est sorti le 4 mai dernier, c'est-à-dire mardi dernier. Donc, je vais vous laisser entendre ça, puis ensuite vous donner quelques commentaires sur cet album que j'ai découvert la semaine dernière. Alors, on écoute ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. So don't we look the same? Why don't you? Soaked up all the fame I begged of you. Don't we look the same? Time to celebrate the failures. On vient d'entendre la formation américaine Maids of State avec la pièce Think Long de leur album Bring It Back. Il s'agit de leur quatrième album paru en 2006. Et ce duo américain d'indie pop rock est actif depuis 1997. Et je connais ça depuis tout récemment. Je suis contente ce soir de vous partager cette découverte. Tout juste avant, nous avions un auteur-compositeur-interprète canadien originaire de Trenton en Ontario, Gentleman Reg, avec la pièce We're in a Thunderstorm de son album Jet Black, paru tout récemment. Il s'agit de son cinquième album paru sur l'étiquette Arts and Craft. Et c'est, comme je l'ai mentionné, un auteur-compositeur-interprète de l'Ontario. Et la pièce Coastline figure actuellement sur les palmarès anglo de C'est fou en 11e position. Et au début du bloc, nous avions Saint-Vincent, de son vrai nom Annie Clark, qui est une auteure-compositrice-interprète américaine, avec la pièce The Party de son album Actor, qui est paru le 4 mai dernier, soit mardi dernier. Et elle est en tournée américaine actuellement. Il n'y a toujours pas de date pour Montréal. Et en fait, cet album-là, il s'agit en fait de son deuxième album qui a été très bien reçu par les critiques. Et son premier album du nom de Marry Me avait également connu de bonnes critiques. Moi, je viens de la découvrir avec ce deuxième album que j'apprécie tout particulièrement cette semaine. Il s'agit d'une de mes découvertes, la découverte chérie de la semaine. Ouais, je pense que je vais me lancer là-dedans, les découvertes chéries de la semaine. Alors, cette semaine, c'est cette découverte qui prend l'honneur d'être la chérie de la semaine. On verra la semaine prochaine si je poursuis dans cet élan de festivité. Et avec toutes ces belles phrases lancées comme ça en l'air, on va se diriger vers un bloc électro francophone sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Dude. dans un autobus. Peut-être que vous êtes chez le dentiste. Peut-être bien en avion. Peut-être au sommet d'une montagne. Peut-être au pied du mur, pris au milieu des embouteillages. Peut-être un peu endormi, peut-être très pressé. Peut-être une oreille attentive, discrète, occupée. Peut-être au fond du trou, peut-être au bord du plaisir. Peut-être que vous faites la vaisselle dans la vitrine d'un magasin. Peut-être impossible à retracer, vos empreintes se sont effacées. Peut-être que vous êtes plusieurs, peut-être que vous avez trop bu. Peut-être que vous avez chaud ou froid, peut-être un goût métallique. Peut-être dans votre bouche, peut-être au réveil un matin. Peut-être que c'est merveilleux, vous venez d'avoir un enfant. Peut-être qu'il n'en est pas question, peut-être que tout est épatant. Vous avez des projets hallucinants, peut-être rien tout simplement. Peut-être rien tout simplement. Peut-être assis au bureau, peut-être que vous vous sentez coupable. Peut-être m'entendez-vous chuchoter dans le transistor. Ou alors vous vous endormez sur moi, peut-être que c'est trop fort. Peut-être que ça casse les oreilles. Peut-être au fin fond de la Chine, peut-être dans un ordinateur. Peut-être en apesanteur, peut-être que je peux te dire tu. Peut-être que tu ne comprends pas le français, que c'est du charabia. Peut-être que c'est la première fois. Peut-être que je réfléchis trop, peut-être que tu connais mes questions par cœur, peut-être que je t'écœure. Peut-être que je devrais me laisser aller, peut-être que tu m'aimes comme ça, tant pis si tu me détestes. Et peut-être il y en a trop dans ma tête, au fond je ne sais pas à qui je m'adresse, vous êtes tous des peut-être. Et puis moi je ne suis qu'un produit de l'imagination, tout juste lancé sur le marché. Peut-être j'aimerais rester chez lui, peut-être qu'il peut me garder contre lui. J'aimerais aider un de ses peut-être, j'aimerais rester chez lui, peut-être qu'il peut me garder contre lui. Contre lui, contre lui, contre lui. Contre lui, contre lui, contre lui. vient d'entendre la formation Les Incendiaires avec la pièce La Menace Digitale de l'album du même nom, paru en 2009, paru tout récemment. Enfin, on a reçu un démo la semaine dernière, assez fou. Et ils sont en spectacle le 5 juin au Il Motard avec Château et Our Book and the Authors au 179 Jean Talon Ouest à 21h à Montréal pour les intéressés. Tout juste avant, nous avions Jérôme Minière, qui est un artiste d'électro-folk, avec une pièce de l'album chez Henri Copter. Il s'agit de Complainte d'un produit de l'imagination. Et pour les intéressés, il sera en spectacle en Allemagne en juin et en juillet. Mais non, je blague. Mais en fait, oui, je ne blague pas, il va être en Allemagne. Mais si vous voulez le voir un peu plus près de chez nous, il sera le 6 août dans le cadre des Francofolies au cabaret Juste pour rire. Et les billets sont en vente au coût de 14,50 $, ce qui est peu cher. Bon, c'est sûr qu'il faut ajouter les merveilleux frais, mais quand même, ça devrait totaliser un prix raisonnable. Et au début du bloc, nous avions la formation Electro Eco Kitty avec la pièce Daniel Ster de l'album Savons Chanter. Et ça date de 2004 et c'est une formation qui n'existe plus, malheureusement. Et maintenant, le chanteur Xavier Paradis continue, en fait, avec la formation Automélodie. Je ne sais pas si vous avez entendu la pièce Buanderie Jazz qui est un premier court album qu'ils ont sorti avec une pièce du même nom. Et on a notamment entendu des pièces de cette formation sur la trame sonore du film québécois L'horloge biologique, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui s'en souviennent. Et avant de passer encore une fois vers un autre bloc musical, on va se quitter le temps d'une courte pause. Mais avant, seulement vous mentionner que vous pouvez consulter la liste des pièces qui ont joué à l'émission de ce soir ou dans des émissions antérieures sur le profil MySpace de l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » soit au www.myspace.com/ C'est fou, chérie, sans accent. Et vous pouvez également venir me rejoindre sur le merveilleux groupe Facebook « Chérie, m'écoutes-tu ». Vous avez simplement à entrer le nom de l'émission dans la rubrique « Recherche » et vous verrez le beau logo de l'émission qui est une jeune femme qui se maquille devant son miroir avec un rouge à lèvres. Alors, sur ce, on se quitte pour une courte pause et au retour, on aura droit encore une fois à de la musique variée sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous voulez annoncer sur les ondes de C'est fou et vous ne savez pas comment? Appelez-moi, François-Olivier Marchand, au 376-5184, poste 3. Ou écrivez-moi à dpcfou@commercial.uqtr.ca pour une publicité censée à prix ridicule. N'hésitez plus. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité, gala de l'AGE-UQTR, une soirée tout en couleurs. Arts et spectacles, université en spectacle, de tout pour tous les goûts. Sport, Boutin et Carole, athlètes de l'année. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. La saison 2008-2009 des Patriotes est maintenant terminée. Une saison remplie de performances. Saluons le championnat de la saison régulière de l'Ontario de l'équipe de hockey, le record universitaire canadien aux 50 mètres papillons de la nageuse Jennifer Carroll et la progression de nos équipes féminines et masculines de soccer. Bravo à tous nos athlètes qui ont porté fièrement les couleurs des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans les disciplines du golf, du hockey, de la natation et du soccer. L'Organisation des Patriotes remercie la communauté universitaire, l'ensemble de la population de la Mauricie et ses partenaires pour leurs appuis au cours de l'année. Vos Patriotes vous donnent rendez-vous en septembre prochain. Soit de la partie, soit Patriote. Digital XL, le détaillant autorisé TELUS, vous offre en exclusivité une garantie de 2 ans sans frais sur les appareils sélectionnés pour une nouvelle activation de 36 mois. Certaines conditions s'appliquent, voir les détails en magasin. Offre d'une durée limitée, dépêchez-vous. Digital XL, détaillant autorisé TELUS, 2 succursales pour mieux vous servir. 2435 Boulevard des Récollets, Trois-Rivières, secteur Ouest, voisin de Concepta, et au 417 Barcoff, secteur Cap de la Madeleine. Entendre la formation de Blow, qui est une formation, en fait, un duo d'électro-minimal de l'Oregon en Amérique, aux États-Unis. Et c'est une pièce de leur quatrième album du nom de Paper Television et la pièce se nomme True Affection. Avant ça, on avait Robbie Coast, qui est une formation ontarienne d'indie rock avec la pièce Neighborhood de leur mini-album Projectable Collections, qui est en fait leur première parution. Et c'est paru en octobre 2008. Et au début de ce bloc, nous avions la formation de Robbie Sons, qui est une formation d'indie pop de la Nouvelle-Zélande. De leur deuxième album, du nom de Sea Lion, on a entendu la pièce Tane Mahuta. Et j'aime bien cette formation festive qui utilise vraiment toutes sortes d'ambiances. Et en fait, c'est une formation que je vous invite à découvrir si vous avez apprécié la pièce qu'on a entendue. Et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez plus de détails sur les artistes qui ont joué à l'émission ou sur les pièces ou sur toute autre chose, vous pouvez vous rendre sur le profil MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/c'est fou chérie sans accent. Et vous aurez la chance également de voir à chaque semaine un nouveau vidéo et une pièce en écoute, ainsi que des liens parfois vers des sites musicaux intéressants. Et sur ça, on va se diriger vers un bloc de nouveautés francophones avec trois artistes qui n'en sont pas à leur début. Vous les reconnaîtrez probablement. Alors, on se dirige tout de suite vers ce bloc sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. À la cime des montagnes où le temps s'est arrêté. Au-delà des mares et marées habitées, à l'extrême des pôles d'inamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marais de Jean-Henri Bambelle, au creux de nénuphars irréels. Conduis-moi, ne t'arrête. du monde, le sucre casse son sel entre les forêts de pins en ribambelle. Aux confins des abîmes de gel, conduis-moi, allez. Où le temps s'est arrêté. Au-delà des mares et marées massacrées à l'extrême des pôles dynamité. Conduis-moi où le vin devient du bon miel entre les marées de Jean en ribambelle. Au creux de nénuphars irréels, aux confins des abîmes de gel. Conduis-moi. Silence du bout de tes doigts, et quand ça recommence. jamais ne sait séparer le mal du bien qu'il a fait, du bien qu'il a fait. Toujours dans la marge, un petit regret revient à la nage pour tuer d'un trait chacun des naufrages qui le rendait vrai, qui le rendait vrai. J'ai frappé contre le mur ma tête, j'ai frappé contre le mur ma tête, j'espère qu'elle éclatera. Le sang de ma mère tapit sous mes bras, elle a donné naissance à celui qui sera moi. Devant l'existence, il a déjà froid, il a déjà froid. Avec insistance, je l'éloignerai de l'accoutumance au plan déchiré. Déjà en enfance, son ami ils ont violé, son ami ils ont violé. J'ai frappé contre le mur ma tête, j'ai frappé contre le mur ma tête, j'espère qu'elle éclatera. Jamais avant d'avoir léché les pattes du trépas, nous serons tous ceux que le passé nous cachera. Redis-moi encore que nous serons rois, que nous serons rois. L'amant d'hier est venu te chercher, c'est pour me rendre fier de t'avoir retrouvé. J'ai voulu crier, je ne sais que pleurer, je ne sais que pleurer. J'ai frappé contre le mur ma tête, j'ai frappé contre le mur ma tête, j'espère qu'elle éclatera. J'ai frappé contre le mur ma tête, j'ai frappé contre le mur ma tête, j'espère qu'elle éclatera. J'espère qu'elle éclatera. D'entendre Pierre Lapointe avec la pièce L'enfant de ma mère de son dernier album Sentiments humains. Et en fait, j'ai écouté cet album la semaine dernière, puis j'ai passé cette pièce-là parce que je vous dirais que c'est la pièce qui ressort le plus de l'album. Mais malheureusement, je pense que pour moi, je vais avoir fait le tour de Pierre Lapointe. Je crois que ses deux premiers albums étaient surprenants sur la scène québécoise, mais le troisième, de mon côté, je ne suis pas certaine que je vais le mettre dans ma collection. Et avant, on avait Marat Tremblay de son album « Tu m'intimides », la pièce « Toutes les chances ». Et au début du bloc, c'était Yann Perrault avec la pièce « Conduis-moi » de l'album « Un serpent sous les fleurs ». Pour connaître les dates des spectacles de tous ces artistes, vous vous rendez sur soit le www.yannperrault.com, le marattremblay.com ou le pierrelapointe.com, car ils ont chacun plusieurs dates au Québec à venir. Alors, l'émission va se terminer sur ce. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à Chérie mes coups de tue et on sera de retour, moi et mon micro, lundi prochain de 18h à 19h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Et on se laisse avec une dernière pièce, une pièce folk de Jenny Lewis and the Watson Twins de l'album Rabbit Fur Coat. On va entendre la pièce You Are What You Love sur les ondes de CFOU 89.1 FM. for a ghost or invisible reasons to fall out of love and run screaming from our home. 'Cause we live in a house of mirrors, we see our fears and everything, our songs, faces in secondhand clothes. But more and more we're suffering, not nobody, not a thousand beers will keep us from feeling so all alone. But you are to you about nothing, disguising my intentions, which I'm afraid, my friend, are wildly untrue. It's a sleight of hand, a white soul.